Bonjour à tous, c'est un nouveau direct live from the Alsace en ce vendredi 10 avril. Il est maintenant 19h, même passé d'une minute, je suis légèrement en retard, bon pas de beaucoup. Et le programme d'aujourd'hui, ben, ça va être beaucoup de musique, des musiques traditionnelles, des musiques régionales, si vous habitez en France. Si vous n'habitez pas en France, ben, on va appeler ça de la musique world, de musique du monde. Et si vous n'habitez pas en France ni sur Terre, ben dans ce cas, je ne sais pas comment le définir. Ça sera à vous de trouver. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Martiens à l'écoute. Et donc, ce vendredi, ben, qui est férié en Alsace, ce qui m'a permis donc de faire cette émission et ben, de la préparer. Alors, en fond sonore, vous écoutez en fait Ré bémol et Glitch, qui fait partie des génériques multiples de cette émission. Et qui sont toujours en attente d'être éventuellement remixés, retriturés, mélangés et resservis sous une autre forme par ben, des volontaires. C'est sous licence art libre et donc vous pouvez y aller franchement. Ce que je demande, c'est que c'est quelque chose qui dure à peu près 2 minutes. Hein, pour, si ça fait exactement 2 minutes, c'est encore mieux pour calculer. Donc, comme je vous le disais juste avant cette histoire de générique, ben ça va être de la musique régionale ou musique world, donc ça c'est selon là où vous habitez. Et donc malgré mon extinction de voix, ben le traitement du pharmacien a fait des miracles. Avant-hier, j'avais plus de voix du tout. Et donc je suis en mesure de vous présenter une suite de polka par CDLOC. Et ainsi qu'une suite de bourrées à 3 temps. Donc le centre du monde aujourd'hui se trouve dans le Morvan. Il s'agit des polkas traditionnels, de bourrées traditionnelles. On ne sait pas qui l'a écrit, c'est vieux, probablement 18e, 19e siècle par là. Et c'est CDLOC qu'il a joué en acoustique en Bâle en janvier 2008. Mis en ligne sous une licence domaine public, respectivement le 24 janvier et le 12 mars 2008. La suite de bourrées à 3 temps, alors il s'agit d'une bourrée tournée à 4 et d'une bourrée tournée à 3. Alors je sais pas, bon, c'est lui le spécialiste, donc je fais confiance à ce qu'il raconte. Thank you. Cédéloc, un trio acoustique avec Pierre Hervé, Christ... avec Pierre Hervé, Christophe et Eric Raillard qui jouent donc de la cornemuse, du violon, ben ça c'est peut-être mieux en parlant du micro, près du micro, donc cornemuse, violon, accordéon diatonique, vielle à roue, donc un répertoire hérité à la source des musiciens imprégnés dès l'enfance de culture traditionnelle. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils nous font là sur leur site? Ils y vont, franchement quoi, ils n'hésitent pas sur les moyens, des arrangements respectueux de l'esprit de la tradition, mais plein de liberté, d'originalité et parfois de virtuosité. Ah oui, donc on marie, comme toujours, de donc, tradition et modernisme, comme toujours, hein. Donc qui ont leur page sur Dogmazic, qui ont également leur site web cdloc.free.fr et donc leur page Dogmazic, dogmazic.net/cdloc. Et donc, qu'est-ce que j'ai prévu après, où est-ce qu'il est mon programme? Donc Daniel et Eric Raillard qui ne font plus partie du groupe cdloc dans ce cas précis, enfin si, ils en font encore partie, mais là c'est à part. Il n'y a pas d'album, donc il n'y a pas de CD à vendre pour ce CD-Loc. Mais donc on a Eric Raillard qui a donc son site internet aussi, donc http://eric.raillard.free.fr. Qui est consacré à ses compositions musicales et qui profite de ce coin de toile pour partager ses compositions, donc majoritairement pour la vielle à roue et donc tous les thèmes qui sont des instrumentaux, et puis les mélodies ont été créées à la vielle à roue, à l'accordéon diatonique ou plus rarement à la basse ou à la guitare, donc bourré, valse, scottish, polka. Donc ça c'est pour ce qui est de la... Donc, ce qui est de pour sa présentation sur son site. Et donc, par contre, bon, il a également d'autres. Donc, il a également donc un album qui s'appelle Jacques Luthi, qui est sur le site dogmazic.net. Et puis, bon, ben, vous pouvez commander le compact disque pour 16€. Il y a un lien pour acheter. Alors, pour commencer, donc, est-ce qu'il est nouveau? Pourtant, j'ai pas beaucoup de fenêtres ouvertes hein, cette fois-ci. Suite de Bourré, collectage par Raymond Berg. Ce sont des traditionnels Morvan dans ce cas. Et puis Valentine, collectage par Fernand Loriot. Et là encore, un traditionnel Morvan qui sont publiés sous licence domaine public sur sa page Dogmazic. Je revérifie. Oui, c'est ça, licence domaine public. Et donc, on est toujours dans le domaine de la World. Et alors, surtout aussi, n'hésitez pas à venir sur le chat parce que là, c'est un petit peu le désert. Mais on va quitter le désert tout de suite. Donc, pour cette contrée animée de vie qu'est le Morvan. Thank you. Donc à l'instant, c'était Eric Rayard, Daniel et Eric Rayard, ils sont à deux, pour qui nous ont interprété Suite de Bourré, collecté par Raymond Berg, et Valentine, collecté par Fernand Loriot. Je salue sur le chat, puisqu'il y a quelqu'un qui est venu, Jules Quien, qui s'est signalé, qui est un petit peu attentif à ce qui se passe, mais venez, venez, n'hésitez pas, même si bon, moi, je suis encore un petit peu pris par mes fautes de frappe, avec ma petite cuisine, là, j'arrive quand même à un petit peu à gérer. Et donc, on continue toujours Daniel et Eric Rayard, toujours des traditionnels Morvan, bon, probablement du 19e siècle par là. Une valse qui est collectée par Simon Larue, et une autre valse, donc là, on ne sait pas qui c'est qui l'a collectée. Et puis la mazurka du Beureau et la mazurka du Jean Tiré. Et donc qui sont toujours sur cette même page de Dogmazic, donc www.dogmazic.net/musique du Morvan. J'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Et donc vous trouverez ça avec l'album Jacques Lutti qui est en vente. Les MP3, eux, sont sous licence domaine public. Et donc, où est-ce qu'il est? Il est là. Je vous envoie ça. Notre lingo limousine vaut d'un cœur le sans vie. Eh oui, ben c'est notre la voix que vous avez entendue, ça fait pas partie. J'étais en train de préparer la documentation pour ce qui va suivre. Il s'agissait en revanche de la page du net label chanson Limousine en Occitan. Ben ça démarre tout seul. Encore une fois, c'est toujours un petit peu gênant ces trucs-là qui démarrent tout seuls sans qu'on demande rien et sans prévenir. La musique, quant à elle, ce qu'on vient d'écouter, c'est deux valses collectées par une qui est collectée par Simon Larue, suivie de la mazurka du Bureau et la mazurka du Jean Tiré par Daniel et Eric Raillard, avec de nouveau encore une valse à suivre, toujours de Daniel et Eric Raillard, et toujours tiré de l'album Jacques Lutti. Donc vous trouverez ça en suivant www.dogmazic.net/musique-du-morvan, tout au singulier, avec des séparateurs, les underscores, à la musique underscore du underscores Morvan. Underscore, c'est le machin souligné qui se trouve sur le 8. Et donc la valse qui est un traditionnel Morvan, celle-là, probablement du 19e siècle aussi. Et donc ce sera un petit coup de Daniel et Eric Raillard avec de l'accordéon et de la vielle à roue. On ne s'en lasse pas. Eh ben, c'était à l'instant donc un petit bout de la série là avec Daniel et Eric Raillard qui va se terminer provisoirement. On va passer un court instant à autre chose juste après le générique le générique que j'ai perdu le générique qui est en fait le lancer de croquettes. Générique qui est à remixer, je le rappelle. Donc vous cherchez la rubrique triturer, mélanger, servir, ça s'appelle comme ça. Ça a été regroupé sur un net label, bon, qui n'en est pas un, mais enfin il fallait bien que je nomme les choses d'une façon ou d'une autre. Et ben vous me faites ce qui vient des volontaires pour aller triturer, mélanger et resservir sous une autre forme d'autres génériques de 2 minutes. Ce sera utilisé non seulement comme générique, mais évidemment aussi, comme vous l'avez remarqué, ça passe en entier dans l'émission.